بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة bienvenue à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir vous réunir avec les adeptes de la Sunna afin de vous instruire dans votre religion بارك الله فيكم جميعا حفظكم الله طيب. On va faire une nouvelle assise dans le sujet de la aqida, le sujet de la croyance, qui est un sujet important et primordial. Et avant cela, comme à mon habitude, on va faire un modeste rappel en lisant dans un livre d'un des gens de science concernant le sujet de la quête du savoir. Car j'aime rappeler certains aspects de la quête du savoir, c'est-à-dire de l'étude du savoir, talabul ilm, afin que l'on justement, on fasse notre étude de la science de la meilleure des manières, en essayant d'en tirer les meilleurs des fruits. Bi'idhnillahi azzawajal. Donc là, je vais me baser sur un autre livre. Et le point que je vais aborder, le point sur lequel je souhaite faire un rappel, en vous traduisant une partie d'un livre, d'un ouvrage qui est excellent dans ce bab-là, c'est concernant le fait de ne pas se contenter de noter, mais d'utiliser son esprit également. C'est-à-dire que quand on prend des notes, ce qui est déjà une excellente initiative, une excellente pratique, il faut que ces notes-là soient revues, révisées, mémorisées, pour que cette science-là se retrouve dans vos feuilles, à vous. En vous-même. Taï. Donc l'auteur du livre, dont je vous fais la traduction, mentionne concernant Yani wa inna min wasa'il at-tahsil al-'ilm et fait partie des moyens, des modalités par lesquelles on acquiert le savoir, ya'mal adh-dhihn fahman wa hifza. Le fait d'utiliser son esprit, Yani que ce soit dans ce qui est relatif à la mémorisation ou concernant la compréhension. Non. Et il dit, et ça c'est un point important, وَهَذَا الْأَمْرُ قَدْ فَقَدَهُ الطَّلَبَةُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْوَقْتَ الْمُعَاصِرِ. Il dit, ça c'est une chose qui a été perdue par les étudiants en sciences de notre époque. فَإِنَّ نَجِدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْيَوْمِ قَدْ عَطَلُوا أَذْهَانَهُمْ. On voit que beaucoup d'étudiants en sciences à notre époque, au jour d'aujourd'hui, ils n'utilisent pas leur esprit. وَاعْتَمَدُوا عَلَى الْأَوْرَاقِ. Ils se reposent et s'en remettent sur le fait de prendre des notes. فَهُمْ كَثِيرًا مَا يَحْضُرُونَ الْحَلَقَاتِ. Et donc beaucoup d'entre eux, ils assistent aux cours, c'est-à-dire aux assises de sciences, les assises dans lesquelles sont enseignés l'islam. لَكِنَّهُمْ قَلَّ مَا يَسْتَفِيدُونَ. Cependant, parmi eux, peu sont ceux qui tirent réellement profit de ces assises. لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا حَضَرَ الْحَلْقَ لَمْ يُشْغِلْ ذِئْنَهُ بِمَا يَسْمَعَ. Car l'un d'entre eux, s'il viendrait assister à une assise, son esprit n'est pas focalisé sur le fait d'assimiler ce qui est dit, ce qui est entendu dans le cours. Mais sa seule préoccupation, c'est d'écrire ce qui est dit dans le cours sur le papier. Puis après, lorsqu'il a terminé de consigner ses informations sur les feuilles de papier, il les oublie. Yani pour passer au cours suivant et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on remarque de certains frères. Déjà, beaucoup de frères ne prennent pas des notes, ça c'est un problème. Mais beaucoup de frères prennent des notes, ça c'est une bonne chose. Mais parmi ceux qui prennent des notes, peu sont ceux qui revoient et révisent leurs notes. Ça c'est important. Et justement, le cheikh mentionne... وَلَا يُرَادِعُ مَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. Et il ne revoit pas ce qu'il a consigné et ce qui se trouve dans ses feuilles. وَلَا يُثَبِّتُ مَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ فِي صَدْرِهِ. Et il ne fait pas en sorte que ce qu'il a écrit sur ses feuilles ne soit enraciné dans sa poitrine, c'est-à-dire qu'il l'ait mémorisé. فَلَا يُحَصَّلْ الْعِلْمَ فِي نَفْسِهِ. Donc justement, au final, il n'acquiert pas la science en lui-même. La science ne se retrouve pas en lui. وَإِنَّمَا تَكُونُ طَرِيقَتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنَ الْأَوْرَاقِ إِلَى الْأَوْرَاقِ عَنْ طَرِيقِ الشَّيْخِ. Dans la finalité, l'étudiant qui étudie un livre avec un cheikh et qui se contente de noter, mais qui ne révise pas et qui ne mémorise pas ce qu'il a noté comme fawaïd et comme enseignement bénéfique, au final, la science est passée d'un support papier à travers le cheikh qui l'explique, qui finit dans un support papier qui est le support papier de l'étudiant. Et au final, l'étudiant, lui, il n'a rien en lui. Tu lui enlèves ce papier, il n'a plus rien. C'est pour ça que beaucoup de personnes, dès que tu leur enlèves leur téléphone ou leur tablette et leur support électronique, ils n'ont plus de science. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, je reprends dans les propos du cheikh. Donc, voilà, chaque anna hada yaj'alu talib al-ilm la yuhassilu. Et donc le fait d'agir de cette manière-là Il n'y a pas de doute que ça fera que l'étudiant en science n'acquérera pas de science. Il n'aura pas la science en lui. Mahma qara'a, quelle qu'en soit la quantité qu'il lit. Mahma hadara, quel qu'en soit le nombre d'assises auxquelles il assiste. Ou mahma darasa, quelle qu'en soit la quantité avec laquelle il y en a de choses qu'il étudie. فينبغي على طالب العلم أن يجعل الأوراق وسيلة لتثبيت العلم في النفس. C'est-à-dire que donc il convient à l'étudiant en sciences de faire de son support papier, de ses feuilles, une voie par laquelle il enracine la science en lui-même. C'est-à-dire c'est un support qui t'aide à enraciner la science en toi. Tu assistes au cours, tu notes les éléments importants, mais après, avant le cours suivant, tu dois avoir mémorisé les éléments importants que tu as pris en note dans tes feuilles. C'est pas les feuilles elles s'accumulent, elles s'entassent, elles s'empilent. Ton cahier il se remplit, mais toi tu ne te remplis pas de science. Au final, le cahier c'est lui le temps de blême. C'est un problème. Taïe. Ensuite, Fayan Bari, non, ça je l'ai déjà lu. Wa an yu'mila dhihnahu fi fahmi ma yuqal wa fi hafdhi. Et donc il doit utiliser son esprit dans le fait d'essayer de comprendre ce qui est dit, c'est-à-dire ce qui est dit dans le cours, et dans la mémorisation. Non. Et il donne un exemple avec les plus prédécesseurs de cette communauté. Il dit. وإذا نظرنا إلى سلف الصالح رضوان الله عليهم وجدنا أمرا عجيبا في حفظهم واستحضارهم. C'est-à-dire, il disait, si on regardait, concernant les biographies et les situations dans lesquelles étaient nos plus prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah, on aurait vu des choses étonnantes les concernant quant à ce qui est relatif à la mémorisation et au fait de se remémorer des choses. وأذكر من ذلك ما يحضرني. Et le cheikh mentionne un élément qui lui est venu à l'esprit. أن الإمام أبا عيسى الترمذي ذكر رحمه الله ذكر أنه قد كتب عن شيخ جزئين في الحديث. Donc là je vais vous traduire une anecdote que le cheikh mentionne concernant l'imam al-Tirmidhi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le nom de cet imam, sa cunia est Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi. On peut dire al-Tirmidhi, on peut dire al-Tirmidhi, mais le nom le plus célèbre par lequel il est connu, c'est al-Tirmidhi. Et donc justement cet imam était un imam du hadith qui a écrit le fameux Sunan de l'imam al-Tirmidhi. Et donc justement, il est rapporté le concernant qu'il avait écrit une certaine quantité, deux portions de hadith d'un cheikh. فَلَقِيَهُ فِي سَفَرٍ. Donc il l'a rencontré de façon inopinée, c'est-à-dire de façon imprévue, durant un voyage. فَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْجُزْئَيْنِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ مَعَهُ. Donc il a voulu que le cheikh lui répète les hadiths qu'il lui avait transmis. Et il pensait qu'il les avait avec lui, c'est-à-dire que les feuilles sur lesquelles il avait consigné les hadiths initialement étaient toujours avec lui. Il pensait qu'il les avait, il voulait que le cheikh les lui récite pour qu'il vérifie possiblement ses notes, ce qu'il avait noté. Naam. وَمَرَهُ وَمَعَهُ أَوْرَاقٌ بَيْضًا. Et alors qu'en fait, en vérité, il s'est rendu compte qu'il n'avait que des feuilles blanches, il n'avait pas les feuilles sur lesquelles il pensait avoir consigné les hadiths. لَيْسَ فِيهَ شَيْءٍ. Donc ces feuilles, elles étaient blanches, il n'y avait rien dessus. فأخذ الشيخ يقرأ عليه بألفاظه ويلقي عليه الأحاديث بألفاظه. Donc le cheikh il s'est mis à lui réciter les hadiths. Naam. Un par un avec les formulations des hadiths. فلما انتهى الشيخ نظر الى الاوراق فاذا هي بيضاء. Puis après avoir récité sur l'imam al-Tirmidhi, le cheikh a regardé les feuilles et il s'est rendu compte que l'imam al-Tirmidhi, les feuilles qu'il avait c'est des feuilles blanches. فقال أما تستحق مني؟ لا دي تبعون دجير كم ساعة غير ما؟ تطلب مني أن أقرأ عليك وتوهمني أنك معك ليس وليس معك شيء. C'est-à-dire, en fait, comment tu oses me faire croire que tu as les feuilles avec toi et que tu vérifies alors qu'en fait tu n'as rien avec toi. فقال التلميذ. Donc l'imam التلميذ a rapporté qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là. فعلمته أمري. Il a dit, je lui ai expliqué ma situation. وقلت له قد حفظتها. Mais il a dit, mais les hadiths que tu m'as récités, je les ai mémorisés. فَقَالَ اِقْرَى. Et donc le cheikh lui a dit, dans ce cas-là, lis. C'est-à-dire, lis, récite-les, de mémoire. Et donc l'imam al-Tirmidhi, il est rapporté que فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَاحِدًا وَاحِدًا بِأَسَانِدِهَا لَمْ يُخْطِ مِنْهَا حَرْفًا. Il s'est mis à répéter les hadiths qu'il venait d'entendre de ce cheikh, un après l'autre, avec leur chaîne de transmission, sans se tromper dans une seule lettre. طيب. Ensuite le cheikh, فقال له الشيخ قد استحضرت قبل أن تأتي قد حفظتها قبل أن تأتي لتريني أنك حافظ. Le cheikh il l'a soupçonné, il lui a dit tu as préparé et tu as fomenté cette situation, c'est-à-dire tu t'es préparé en mémorisant les hadiths à l'avance pour que je te demande de réciter devant moi et que tu me montres que tu es me faire croire que tu es un hafiz, te montrer entre guillemets comme étant un grand mémorisateur. فقال له الإمام الترمذي اقرأ عليها علي غيرها. Il lui a dit lis-moi d'autres. Dans ce cas-là, lis-moi d'autres que tu ne m'as pas transmis. فقال فقرأ علي 40 حديثا بأسانيدها. Donc le cheikh lui a récité 40 hadiths, 40 nouveaux hadiths qu'il ne lui avait pas transmis jusqu'à présent, 40 nouveaux hadiths avec leur chaîne de transmission. فعادها عليه الترمذي بأسانيدها لم يخطئ منها حرفا واحدا. L'imam al-Tirmidhi, après avoir écouté 40 hadiths avec leur chaîne de transmission, il les a répétés de mémoire instantanément, chaque hadith l'un après l'autre, chacun avec sa chaîne de transmission, sans se tromper dans une seule lettre. Puis un peu plus loin, le cheikh dit سَمِعَهَا فِي الْمَجْلِسِ لِأَوَّلِ مَرَّةِ. Il les a entendus pour la première fois. فَرَدَّهَا أَرْبَعِينَ بِأَسَانِدِهَا. Il a répété les 40 hadiths avec leur chaîne de transmission. لَمْ يُخْطِي مِنْهَا وَاحِدَ. Et il ne s'est trompé dans aucun d'entre eux. وَقَبْلَهَا حَفِظَ الْجُزَيْنِ عِنْدَمَا قَرَأَهُمَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي سَفَرٍ. Et juste avant, il avait mémorisé les deux portions de hadith que le cheikh lui avait lu lorsqu'il s'était rencontré dans le voyage. Donc, regardez comment nos pieux prédécesseurs étaient. Ils ne se contentaient pas de noter, ils mémorisaient également. Ils étaient des gens qui mémorisaient et qui avaient une forte capacité à mémoriser. Donc, il est important de mémoriser, de revoir les notions. Et la deuxième anecdote que je vais vous mentionner avant que l'on commence le cours à proprement parler, c'est concernant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et qui vous présentera, qui vous fera savoir qui est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est un des ulema qui est né en 661, qui est mort en 728, rahimahullah, de l'Égypte. Et ce savant était un grand savant connu pour sa forte mémorisation. Et donc, dans le livre que je vous traduis, il est dit « Wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah kathira man ajiduhu kama fi majmu' al-fatawa yujibu an su'alin fi mi'ati safha » Or Yazid. C'est-à-dire qu'Ibn Taymiyyah, dans son Majmu' al-Fatawa, qui est la compilation de ses ouvrages et de ses travaux, il est mentionné à de nombreuses reprises, on peut voir à de nombreuses reprises que des fois il répond à une question en 100 pages ou plus. Naam, bit-tartib ajib, avec une structure, une organisation étonnante. Wa yuridu al-adillata min al-Qur'an. Il y mentionne les versets, les preuves du Coran. Wa min as-sunnah, et de la sunnah. وَمِنْ أَقْوَلِ السَّلَفِ بِأَلْفَاظِهِمْ. Et le fait qu'il y mentionne les propos des pieux prédécesseurs tels quels, c'est-à-dire il les cite tels quels. نعم. وَمِنْ أَقْوَلِ الْأَئِمَّةِ. Et il y mentionne les paroles des imams. فَإِذَا إِنْتَهَا ظَنَنْتَهُ يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ. Quand tu termines sa fatwa, tu penses que cette fatwa-là, elle est faite à partir d'une recherche basée sur des livres. فَإِذَا بِهِ يَقُولُ. Alors qu'à la fin de la fatwa, tu trouves qu'il dit وَالْمَسْأَلَة تحتاج الى بسط اكثر لكن صاحب المساله مستوفز عجلا مستوفز عجلا. C'est-à-dire, yani il dit qu'à la fin de sa fatwa, il mentionne que ce sujet, cette question qu'il aborde dans cette fatwa, c'est une question qui mériterait d'être plus approfondie que cela, mais le questionneur est pressé. C'est-à-dire que le questionneur qui est venu le solliciter est pressé et qu'il souhaite partir. Yani yaktubuha فيكتبها والسائل بين يديه مستوفز عجلا يريد ان يذهب لكنه الحفظ. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'il s'arrête après avoir écrit une fatwa de plus de 100 pages avec des versets du Coran, des hadiths, des paroles des imams, des paroles des pieux prédécesseurs, avec une structure et une organisation extraordinaire, qu'est-ce qui fait qu'il ne peut plus, il y en a qui s'arrêtent? C'est pas parce qu'il n'a plus de science, ce n'est pas parce qu'il n'a plus rien à dire à ce sujet. Au contraire, il dit que le sujet nécessite, et il nécessiterait plus de détails, plus d'approfondissement. Mais il s'arrête parce que le questionneur qu'il a sollicité est devant lui et qu'il est pressé de partir. Comme était grande la mémorisation de nos pieux prédécesseurs. Mais malheureusement, nous autres qui vivons à l'occidental avons pris l'habitude d'être une génération post-it. C'est-à-dire prise de notes, résumé, etc. Mais on ne mémorise pas, on ne retient pas. Malheureusement. Taïeb. Donc, ceci étant dit, on va commencer, incha'Allah ta'ala, à proprement parler, dans le livre. Donc nous sommes toujours dans le livre de Al-Allama, le défunt, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et donc nous sommes dans la partie du livre concernant Surat al-Asr. C'est-à-dire, comme je l'avais expliqué, le livre, on peut le diviser en quatre grandes parties. Les trois fondements, qui constituent les trois dernières parties, et la première partie du livre, qui serait la Muqaddima, l'introduction. L'introduction, on pourrait la diviser en trois sous-parties, trois sections. Nous sommes toujours dans la première section. La première section abordait combien de points? Quatre. la science, yani la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves, la mise en application, la prêche, c'est-à-dire l'appel à cela, et la patience. Taïb, ces quatre points-là, ils sont basés sur quoi? Justement, l'auteur, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, a argumenté avec le verset, la sourate Al-Asr. Donc c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, bi-idhnillahi azza wa jal. Donc le mu'allif, قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc nous abordons, Cheikh Ubayd al-Jabri explique, nous abordons cette noble sourate, et c'est la parole d'Allah le Très-Haut, par le, selon le sens en français bien entendu, par l'asr. Et je fais exprès de ne pas traduire Al-Asr parce qu'on verra qu'il y a plusieurs interprétations concernant ce terme. Donc par Al-Asr, certes l'humanité, il y a l'être humain, donc l'humanité avec un grand H, l'homme avec un grand H, certes l'homme est dans la perdition, est dans la perte. À l'exception de ceux qui auront cru et qui auront accompli les œuvres pieuses et qui se seront enjoints mutuellement la vérité et qui se seront enjoints mutuellement la patience. Et Cheikh Ubayd al-Jabri dit « هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية أسلوب القسم ». C'est-à-dire que là, le Cheikh aborde un procédé dans la langue arabe qui est le procédé du serment. Le fait qu'Allah est juré par le fait de dire « وَالْعَصْرِ ». Et il donne un exemple avec « وَالْلَيْلِ » par la nuit, « وَالْشَمْسِ » par le soleil. Et il dit « le serment venant d'Allah lorsqu'il jure par ses créatures, ceci est venu à de nombreuses reprises dans le Coran. Et Allah peut jurer par ce qu'il veut » parmi ses créatures. Et ceci, pour ces créatures par lesquelles il jure, ceci est un anoblissement pour elles. Et également, c'est une manière d'attirer l'attention quant à l'importance ou le haut rang, le haut statut qu'a cette chose par laquelle Allah jure. Mais quant aux créatures, et ça retenez bien, c'est un point important, « أَمَا الْمَخْلُوقُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقَسَمْ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ » C'est-à-dire que quant aux créatures, elles, quant à elles, ne peuvent pas jurer par autre qu'Allah. Il dit « لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَكَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » Et le hadith akhrajahu tirmidhi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « quiconque viendrait à jurer par autre qu'Allah, alors il a mécru ou associé. » Non. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux, le fait de jurer par autre qu'Allah. Et on voit beaucoup de nos jeunes qui jurent sur la tête de leur mère, sur la tête de leur père, sur la tête de leurs enfants, ou je ne sais quoi. Et ceci est interdit. Et ceci est très grave. Non. Et ensuite, le shir aborde ce qu'on appelle huruf al-qasam. Il faut savoir qu'il y a trois choses, trois points importants qu'on va aborder aujourd'hui. Huruf al-qasam, al-qasam, wa jawab al-qasam. Qu'est-ce que c'est? Il y a les lettres par lesquelles on jure. C'est-à-dire les lettres en arabe, Wallahi, par exemple, quand on dit Wallahi, Billahi, Tallahi, c'est le Waw, Walba, Watta. C'est les trois lettres par lesquelles on jure. En disant Billah, Wallahi ou Tallahi. Taïe. Donc, et ça, ce procédé-là, c'est ce qu'on appelle le serment. Et donc, il y a ce par quoi tu jures, et il y a ce par rapport à quoi tu jures. Non. Et donc, justement, c'est ce qu'on va aborder. Donc, d'abord, on commence par le fait d'aborder Huruf al-Qasam. Cheikh Ubayd al-Jabri, il dit. C'est donc les lettres Waw, Ta et Walba. Et il dit par contre que concernant la lettre Ba, il est obligatoire que sa mention soit jointe à la mention du verbe, soit le précédent, soit par après. C'est-à-dire, soit quand tu vas dire Billah, tu vas dire Oksimu Billah ou Billahi Oksim. Oksim, ça veut dire je jure. Donc soit tu mets le verbe avant, soit tu mets le verbe après. Tu dis uqsimu billah ou billahi uqsim. Ou ahlifu billah ou bien billahi ahlif. Et le verbe yani ahlif, c'est le même verbe que yani uqsimu. C'est-à-dire le fait de jurer. Tandis que amma al-waw wa ta fa innahu la yushtaratu laha dhalik. Mais concernant quand tu jures en disant tallahi ou wallahi, ce n'est pas une condition de mentionner le verbe avant ou après. C'est spécifique à la lettre ba, quand on dit billahi. Et il dit que tallahi hada warada fil Qur'an kathir. C'est-à-dire que ceci est venu à de nombreuses reprises dans le Qur'an. Pour être plus exact, j'ai fait une recherche, il est venu 9 fois dans le Qur'an. Le fait de jurer par Tallahi est venu 9 fois dans le Coran, à plusieurs reprises dans Surat Yunus, notamment. Taïb. Ensuite, il aborde Al-Muqsama Bihi. Donc, Al-Muqsama Bihi, fi hadhihi surat al-karimati, ou Al-Asr. Donc, ce par quoi on jure. C'est-à-dire, on a vu que Al-Asr, c'est une des lettres par lesquelles on jure. Taïb. Maintenant, ce par quoi Allah a juré, c'est Al-Asr. C'est ce par quoi Allah a juré, c'est le terme Al-Asr. Mais il dit « وَمَا الْعَصْرُ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ هُنَا » Mais quel est le sens du terme Al-Asr ? Yani, par quoi Allah a juré justement dans cette sourate ?« هَلْ هُوَ الْوَقْتِ الْمَعْرُوفِ مِنْ نِهَيَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ حَتَى الْمَغْرِبِ أَوْ هُوَ الدَّهْرُ كُلُّهُ » Est-ce que le sens de l'Asr, c'est le temps qui est bien connu, qui se trouve entre, à partir de la fin de l'heure de Dhuhr et qui se termine à l'heure de l'Maghrib, donc c'est-à-dire le temps de l'Asr, ou est-ce que l'Asr s'est voulu comme étant le sens de Ad-Dahr, Kullu, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, de façon générale. Non ? Il dit, Yajuzu hadha wa hadha, c'est-à-dire ceci est permis, ceci est permis, c'est-à-dire que ces deux avis sont valables. Il dit, Yani wa bi kullin min al-qawlini qala ta'ifatun min ahli al-ilm, c'est-à-dire que chacune de ces deux opinions concernant le sens de l'Asr dans Surat al-Asr, elles ont été émises par les gens de science. C'est-à-dire que les gens de science ont tenu ce propos-là. Donc ensuite, le cheikh, il dit, on va aborder justement le secret qui est relatif à ce serment. Et il dit donc, فَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ هَا هُنَا هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْرُوفُ. Donc si on prendrait l'interprétation, comme quoi l'Asr, ce serait le temps connu, le temps de l'Asr, فَإِنَّ فِيهِ صَلَةُ الْعَصْرِ. Donc ce temps-là contient, il y a la prière de l'Asr qui est accomplie. وَهِيَ أَحَدُ الْبَرْدَيْنِ. Et c'est une des deux fraîcheurs. Taïb, qui peut me mentionner quelle est l'autre prière qu'on appelle comme ça? Quand on dit les deux fraîcheurs, il y a deux prières qui sont appelées les deux fraîcheurs. Al-Asr et laquelle? Al-Asr et laquelle? Taïb, m'obligez pas à désigner, parce qu'il y a des anciens ici. Tfadl. Oui. C'est le Fajr ou l'Asr. جزاك الله خيرا احسن الله اليك نعم c'est le fajr ou l'asr donc ce sont et donc l'asr yani wa hiya ahad al bardain c'est une des deux fraîcheurs wa hiya salat al wusta c'est la prière médiane wal halif ba'd al salat al asr khatir li hadith abi hurayra radiyallahu anhu an an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala thalathah la yukallimuhum allah yawm al qiyamah wa la yanzuru ilayhim وذكر منهم رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari. Non. Donc, le fait que la prière de l'Asr est la prière médiane. C'est la prière médiane et c'est une des deux fraîcheurs. Et le fait de jurer après la prière de l'Asr est quelque chose de périlleux. En effet, Ceci est en vertu du hadith rapporté par Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il y a trois individus, Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection, ni ne les regardera. » Et parmi eux, il a mentionné, donc Cheikh Obaid al-Jabri mentionne juste l'individu qu'il souhaite mentionner par rapport à ce hadith. Et il mentionna donc sallallahu alayhi wa sallam « Un homme qui a juré d'un serment mensonger après l'Asr » afin de s'accaparer une part des biens d'un musulman, d'un homme musulman. Non. Et ça, c'est connu. C'est connu, par exemple, beaucoup de gens, malheureusement, à notre époque, jurent pour vendre leurs marchandises, par exemple. Et ils font des serments mensongers. Et ça, c'est connu. Comme l'a enseigné notre cher Hisham al-Hawsani, hafidhahullah, dans son explication de Mandomatul Kaba'ir. Il avait dit, beaucoup de gens, par exemple, ils te disent, Wallahi, ça c'est la dernière marchandise, elle est toute neuve, c'est la dernière génération, c'est le dernier produit qui vient de sortir, alors que le produit, il a pris la poussière chez lui, par exemple. Il ment de façon mensongère pour vendre et écouler sa marchandise. Et il essaye d'acquérir et d'obtenir la sympathie des gens ou la confiance de sa clientèle par le fait de jurer par Allah. Mentant de façon mensongère pour acquérir des biens de ce bas monde. Wal'iyadhu billah. Et donc, Cheikh Ubaid al-Jabri dit « Wahada adim », c'est quelque chose de grave. « فهو من أشرف الأوقات. Donc ce temps-là, le temps de l'Asr, fait partie des temps les plus nobles. وصلاة العصر قد جاء الحث عليها ببيان فضلها والتحذير من تركها أو تفويتها. Et donc la prière de l'Asr est venue l'incitation concernant son accomplissement et la clarification de sa vertu et la mise en garde contre le fait de délaisser cette prière ou de la laisser sortir de son heure. Donc parmi les textes que Cheikh Ubayd al-Jabri a fait, dont il a fait la mention rahimahullah quant à la vertu de la prière de l'Asr, donc il dit فمن الأول عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. Et ce hadith أخرجه البخاري ومسلم. Donc le premier hadith est un hadith rapporté par Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a mentionné, nous étions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et alors il regarda, il contempla la lune, alors qu'elle était pleine, c'est-à-dire il y en a eu durant une nuit de pleine lune. Faqal, et il a dit, certes vous verrez certainement votre Seigneur comme vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine. Et si vous êtes capable de faire en sorte de ne pas être yani détourné ou de ne pas être empêché quant à l'accomplissement de la prière, d'une prière qui est accomplie avant le lever du soleil, ça fait référence à la salat de Fajr, et de la prière avant le coucher du soleil, avant son coucher, alors faites-le. C'est-à-dire, si vous pouvez faire en sorte de ne pas être empêché de pouvoir prier ces prières, alors faites-le. C'est-à-dire, faites en sorte de pouvoir prier ces prières-là. Une prière avant Qabla Tulu' al-Shams, qui est accomplie avant le lever du soleil, ça c'est le Fajr, وَصَلَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا, et une salat avant son coucher, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, ça fait référence à l'Asr. Parce que dès que le soleil s'est couché, c'est l'heure de la prière de Al-Maghrib. Et donc, أَشَّهِدُ مِنْهُ, donc la partie du hadith qui sert d'argument à Cheikh Ubayd, c'est la partie qui dit صَلَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا, donc une prière avant son coucher, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. اَيْ غُرُوبِ الشَّمْسِ, c'est-à-dire le coucher du soleil, وَهِيَ صَلَاتُ الْعَصْرِ, et c'est la prière de l'Asr. Et le shir, il mentionne deux fawa'id qu'on tire de ce hadith. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَمْرِينَ. Il mentionne que ce hadith, il indique deux choses. Premièrement, الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. Donc le fait d'affirmer que les serviteurs verront certainement leur Seigneur يوم القيامة. Ça fait partie des points de عقيدة. Et ça, c'est connu chez les plus prédécesseurs. Par exemple, pour ne citer que deux exemples, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans sa Lamia a dit « وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقَّ رَبَّهُمْ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُوا » C'est-à-dire « وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقَّ رَبَّهُمْ » C'est-à-dire que les croyants verront en toute vérité leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils verront réellement leur Seigneur. « وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُوا » Et sans qu'on en connaisse le comment, il descend au ciel de ce bas monde. Ça c'est Mas'alat al-Nuzul, c'est notre Mas'alat de Aqidah. Non. Et dans le Ha'iyya également, ça a été rapporté dans beaucoup de livres des pieux prédécesseurs. Le fait que les croyants verront Allah Yom Al-Qiyama et dans le paradis. Qu'Allah m'accorde cela ainsi qu'à vous. Donc le premier point que l'on tire de ce hadith, c'est le fait d'affirmer que les croyants verront Allah Azzawajal Yom Al-Qiyama. Le deuxième, الثاني فضل صلاة الصبح والعصر. La vertu de la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. طيب. Ensuite, parmi les adillah qu'il mentionne à ce sujet, وَمِنْ ذَلِكُمْ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَمَّا شَغَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ شَغَلُونَ عَنِ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est sahih, dans lequel le prophète sallam a été préoccupé par les mushrikoun qui se sont pris à lui, l'ayant empêché d'accomplir la prière de l'Asr. Et le prophète sallam en commentaire avait dit, ils nous ont empêchés d'accomplir la prière médiane. Et il a expliqué quelle est la prière médiane, salat al-asri, yani salat al-asri, c'est-à-dire la prière de l'asr. Et également concernant la mise en garde quant au délaissement de cette prière et le fait de la sortir de son heure, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa parole alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Quiconque délaisse la prière de l'asr, alors son œuvre est devenue vaine, c'est-à-dire ses œuvres ont été anéanties. Ça c'est une opinion. Après, il y a eu beaucoup d'interprétations concernant ce hadith. qu'est-ce qui est voulu par son œuvre est anéanti. Non. Et certains ulema, comme chez les Hanabila, utilisent ce hadith pour argumenter concernant la vie soutenant que la personne qui délaisse la prière est mécréante, entre autres. Mais il y a une divergence à ce sujet. Taïb. وحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون فيها حتى يفوت وقتها. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'avoir du laisser-aller, du laxisme vis-à-vis de la prière de l'Asr jusqu'à ce que la prière sorte de son heure. Et il mentionne, alayhi salatu wa sallam, من فاتته الصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et qui a été authentifié par Cheikh Mohamed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. Donc, yani, c'est-à-dire dans ce hadith, il est dit, celui qui, yani, qui a raté la prière de l'Asr, alors c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Non, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Tayyib. Donc ça, tout ce que le Cheikh Obeid Adjabele a mentionné, c'est concernant quelle interprétation du terme al-Asr. C'est si on comprend Al-Asr, quand Allah jure par, ou Al-Asr, si on parlait du temps qui commence après la fin du temps de Dhuhr et qui finit au début du temps de Maghrib. Maintenant, l'autre interprétation, laquelle était-ce? On avait mentionné deux interprétations. La deuxième, c'est laquelle? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous la mentionner? Le temps en général. Tayyib, Ahsent. Le temps en général. Et donc là, Cheikh Ubayd al-Jaberi va aborder cette seconde interprétation. Il dit « Wa in kana al-muqsamu bihi ad-dahr » et donc dans le cas où ce par quoi Allah a juré, ce qui est voulu par l'Asr, ce serait le temps de façon générale. « Fa inna fihi min ajaibi sun'illah wa 'azimi taqdirihi ma yubhiru al-'uqul » C'est-à-dire que dans le temps qui s'écoule, dans l'histoire de ce qui a eu dans la création, il s'y trouve des accomplissements, des choses qu'Allah Azza wa Jalla accomplit qui sont extraordinaires. Naam, et la grandiosité de son décret. Ce sont parmi les choses qui vont ébahir les intellects. فَإِنَّهُ فِي الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ الزَّمَانِ كُلُّهُ أَوَ الدَّهْرُ كُلُّهُ يُحِي اللَّهُ يَيُمِيدُ. Car dans ce temps qui s'écoule, le temps ou la durée ou ce genre de choses, il y en a la temporalité, ce temps qui s'écoule, dedans, il y en a durant l'histoire, par exemple de la création, il y en a durant ce temps, durant cette histoire, Allah donne la vie, donne la mort. Il rabaisse, il élève, il anoblit, il élève, il humilie, il couvre d'ignominie, il donne ou il s'abstient de donner à qui il veut. Et durant ce temps qui s'écoule, se sont succédés les nubuwat, les prophéties parmi l'humanité. Sachant que j'ai une question, ya ma chère, combien il y a eu de prophètes dans l'humanité? Dans l'histoire de l'humanité, combien il y a eu de prophètes? J'ai pas demandé combien de messagers. J'ai pas entendu, il y a quelqu'un qui a répondu? 132, je crois. Là. 124. Taïb, Arsène. Arsène, il y a Abadunaid. Allah y'a Zadak Allah Hassan. Nam, 124 000. 124 000 prophètes. Taïb, combien de messagers? Ahsent, les deux sont venus dans un hadith. Le chiffre 313 est venu dans un hadith, le chiffre 315 est venu dans un autre hadith. Et les deux ont été authentifiés par les ulema. Naam. Jazakallah khayran akhi. Taïb, donc je reviens dans les propos de Cheikh Ubayd al-Jaberi. Donc, et dans ce temps-là qui s'est écoulé dans l'humanité, se sont succédé les prophéties au sein de l'humanité. Mais ceci est un bien grandiose. Donc, là, Cheikh Ubayd al-Jaberi, il a abordé huruf al-qasam, c'est-à-dire les lettres avec lesquelles on jure. Elles sont de trois. Al-waw, al-ba, al-ta. Taïb. Quand on veut jurer par Allah, on va dire Wallahi, Billahi, Tallahi. Taïb. Ensuite, on a vu que Al-Qasam, donc c'est le fait de jurer par quelque chose. Et qu'Allah jure par ce qu'il veut de ses créatures, mais que les créatures ne peuvent jurer que par Allah. Taïb. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Jawab al-Qasam. Jawab al-Qasam, dans un contexte arabe, dans un contexte linguistique, ce serait l'équivalent en français de ce par rapport à quoi tu jures. C'est-à-dire qu'Allah, il a juré par l'asr. Si on prend l'interprétation que c'est le temps. Donc Allah a juré par le temps. Mais par rapport à quoi jure-t-il? Il jure par rapport à quoi? Innal insana lafi khusr. Il a juré par le temps que l'humanité est dans la perte. Donc il y a ce par quoi Allah jure et il y a ce par rapport à quoi Allah jure. J'espère que la distinction entre ces deux éléments est claire. Donc, Cheikh Obeid Al-Jabri, après avoir mentionné cette partie du verset, il y en a innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain est dans la perdition. Et là, l'insan, comme on va le voir, c'est l'jins, c'est-à-dire le genre humain. C'est-à-dire le genre humain, c'est-à-dire l'espèce humaine. Ce n'est pas un être humain, c'est pas un être humain en particulier, c'est un jugement général qui parle de l'humanité. Mais il y aura ce qu'on appelle l'istithna, c'est-à-dire l'exception. Un jugement général et dont certains feront l'objet d'une exception quant à ce jugement, mais ce seront ceux qui auront concrétisé quatre caractéristiques que l'on va étudier, Inch'Allah. Donc il dit, Cheikh Obeid, حكم الله سبحانه وتعالى بخسر جميع الإنسان. C'est-à-dire que Allah Azza a décrété que l'humanité tout entière est dans la ruine, dans la perte. إلا من استثني بعض. Donc à l'exception de ce qui a été mentionné comme faisant exception à cette chose-là. Donc إن الإنسان على في خسر والإنسان يراد به الجنس. Ce qui est voulu par l'insan, l'être humain, ce qui est voulu ici, c'est le genre humain. Inna l'insan ay umum l'insan, c'est-à-dire la généralité des êtres humains. La fi khusr, yani, est certes dans la perdition. Wa huwa didu ribh. Le ribh, c'est le gain. Le gain, la, yani, le fait de réussir à obtenir quelque chose. Wa hadha l'umum istathna Allah azza wa jal minhu man ittasafa bi arba'i sifat. Donc ce jugement initial qu'Allah a émis concernant l'humanité, que l'humanité est dans la perte. Il y a exception faite concernant ceux qui auront concrétisé en eux quatre caractéristiques. On va les voir. Mais pour la faïda, Cheikh Saleh Ali Cheikh, ça c'est une faïda que peut-être tous vous ne comprendrez peut-être pas tous, mais c'est une faïda dans l'aspect de la linguistique concernant le début du verset. Il y a des procédés qu'on appelle des procédés d'emphase. Des procédés sur lesquels on met de l'insistance pour insister sur l'importance ou la gravité d'une chose. Et donc le serment, c'en est un. C'est pour apporter une emphase, apporter du poids aux propos que l'on tient. Et donc justement, le fait de jurer, c'est déjà un procédé d'emphase. Mais après, Allah a dit « inna ». Et ça, c'est « harfu tawkid ». C'est-à-dire que c'est un autre procédé par lequel on insiste. C'est comme si en français, on dirait « certainement » ou « certes ». C'est une manière d'appuyer le discours. « Al-insan », donc concernant l'humanité, « lafi »,« lamu tawkid ». Encore. Un autre procédé par lequel on appuie et on met une emphase sur notre propos. Cheikh Saleh Ali Cheikh, dans son explication de Thalathat al-Usul, a expliqué que dans Surat al-Asr, il y a eu trois procédés d'insistance, trois procédés d'emphase, yani utilisés dans le début de cette sourate. Taïb, maintenant, concernant ceux qui font exception de ce jugement, de la ruine et de la perte, ce sont ceux qui ont concrétisé en eux quatre caractéristiques. Wa hadhihi sifat hiya al-ula al-iman. La première, c'est la foi. Ensuite, al-thaniya al-amalu salih. L'œuvre pieuse, taïb. Donc ceux qui ont concrétisé dans leur vie la pratique pieuse. Et l'œuvre pieuse, on va voir un peu plus en détail ce que c'est, mais je le dis déjà d'ores et déjà, parce que de toute façon la répétition est bénéfique. C'est l'œuvre qui est accomplie avec sincérité et conformité à la sunna. C'est ça l'œuvre pieuse. L'œuvre qui est accomplie sincèrement envers Allah et qui est conforme à la sunna. Et concernant ce sujet-là, là j'ouvre modestement une parenthèse, Cheikh al-Islam al-Qayyim rahimahullah avait mentionné qu'il y avait quatre catégories d'individus dans ce sujet-là. Les meilleurs des gens dans ce sujet-là, ce sont ceux qui auront adoré Allah avec sincérité et conformité. Ils ont concrétisé l'ikhlas ou al-mutaba'a. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux qui sont les pires. Ce sont ceux qui sont ni sincères ni conformes. C'est-à-dire qu'ils font des innovations, mais par lesquelles ils ne cherchent pas à satisfaire Allah à la base. Ils font des innovations, par exemple, par ostentation. La troisième catégorie, ceux qui sont sincères dans leurs actes, mais ils adorent Allah avec sincérité, mais par des innovations. Ça s'est rejeté également. Taïb. Et quatrième catégorie, ceux qui sont, yani, des gens qui adorent Allah en conformité avec la sunna, mais ils ne sont pas sincères. Taïb. Donc, Cheikh Obeid Al-Jabri a mentionné la première caractéristique, la foi, la deuxième caractéristique, l'œuvre pieuse, La troisième caractéristique, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Le fait de s'enjoindre mutuellement l'endurance, la patience. Et donc il dit, donc ceux qui ont été décrits par ces quatre caractéristiques, ce sont ceux qui seront sauvés de la ruine, de la perte. Donc, le cheikh, il explique que là, ce qui est voulu, c'est le fait de montrer dans cette sourate quelles sont les parties de cette sourate qui servent d'argument et qui servent à étayer les quatre points, à prouver et à établir ces quatre points. Fa cheikh dhakara arba'a masa'il. Car n'oubliez pas, au début du livre, le cheikh a mentionné quatre points. La science, l'œuvre pieuse, la mise en application, la da'wa et le fait de patienter. Et il a mentionné « وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِهَذِهِ السُّورَةِ فَمَا وَجْهُ الْإِسْتِشْهَادِ » C'est-à-dire qu'il a argumenté ces quatre points qu'il a énumérés par la mention de cette sourate. Mais dans cette sourate, où se trouvent les parties qui argumentent ça? Et maintenant, je vous pose la question. Ouvrez le micro, là, Samarto. Donc, par exemple, le premier point, c'était la science. Où est la science dans cette sourate? Quelle est la partie de Sourate Al-Asr qui sert d'argument pour le premier point qui était la science, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, alayhi salatu wasalam, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves? La Sourate Al-Asr, elle sert d'argument pour ces quatre points. Mais quelle est la partie de cette sourate qui sert d'argument pour ces quatre points? Quelles sont ces parties? Est-ce que l'un d'entre vous veut essayer? Tfaddal. La science, c'est l'Iman. Taïm, explique. Croire en Allah, c'est à moi qu'on peut le connaître, en croire en la science. Ça, c'est le premier point. Le fait que la partie où Allah a dit « Illa alladhina amanu » à l'exception de ceux qui auront cru. Comment tu vas croire en quelque chose que tu ne connais pas? Tu dois donc étudier cette chose, plus tu y crois. Et ça, c'est exactement ce que Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi avait mentionné dans son explication de « Thalathat al-Usul ». Naam. Taïm. Yallah. La deuxième mas'ala concernant yani la mise en application. Où se trouve la, yani quelle est la partie de la sourate qui nous sert d'argument pour légitimer ce point, ce deuxième point? Taïb, wa amilu salihat, et qui auront accompli les œuvres pieuses. Jayyid, très bonne réponse. Taïb, ensuite concernant la troisième, c'est-à-dire concernant l'appel à cela. Taïb, le fait qu'ils se soient, il y en a ceux qui se seront joints mutuellement à la vérité. Ensuite, concernant la patience, sabr al-adafi. Taïb, et le fait de s'enjoindre mutuellement, l'endurance. Taïb, donc là, on va voir les explications de Sherbi, rahimahullah. Il dit, aindana al-ilm. Donc nous avons ici la science, wa al-amalu bih, et la mise en application, wa da'watu ilayh, le fait d'y appeler, wa sabr al-adafi, et le fait de patienter face aux répercussions néfastes qui découlent de cet appel, c'est-à-dire les nuisances qui nous affectent et qui nous atteignent lorsque l'on appelle à la vérité. فَشَهِدُ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةُ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. Donc, quelle est la partie qui sert d'argument concernant la science, qui consiste quant à la connaissance d'Allah et la connaissance de son prophète, et la connaissance de l'islam avec les preuves? C'est l'Iman. C'est la partie de la sourate qui mentionne la foi. Naam. وَالْإِيمَانْ وَوَجْهُ ذَٰلِكَ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي اللُّغَةَ التَّصْدِيقِ. Et donc, la foi dans la langue arabe, dans un aspect linguistique, c'est التَّصْدِيقِ, le fait de considérer la véracité d'une chose. C'est-à-dire croire que quelque chose est vrai. وَفِي الْإِسْتِلَاحِ. Et dans le contexte religieux, هُوَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ. Soyez attentifs parce que ce point-là est très important. Car ce point-là, le relatif à la définition de la foi, est un sujet qui revient énormément dans les livres des pieux prédécesseurs de cette communauté. Donc, wa huwa qawlun bil lisan. Ça, c'est le premier point. Le premier point concernant la définition de la foi. Qawlun bil lisan. Donc, la foi est une parole de la langue. Wa i'tiqadun bil qalb. Et c'est une croyance du cœur. Wa 'amalun bil jawarih. Et c'est une action des membres. Yazidu, et ça c'est un point très important qui nous distingue des Murji'a, wa yazidu bitta'a, et la foi augmente par l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance envers Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, et cette foi diminue par la désobéissance envers Allah. هذا هو تمام العلم بالله وبنبيه وبدينه. Donc, le fait de définir cette foi, la foi de cette manière-là, c'est la définition de Ahlu Sunnah. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Il y a un hadith que beaucoup de ulama mentionnent concernant ce sujet-là. C'est-à-dire concernant le sujet de l'imam. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira dans le Sahih d'Imam Muslim. Qui peut m'y faire allusion, ne serait-ce qu'en français? C'est un hadith qui prouve beaucoup de points concernant la foi, concernant les différents aspects de la foi. Comme quoi c'est une parole de la langue, c'est une action des membres, c'est une croyance du cœur, etc. Fadda. Et Abba Junaid. Ahsant. Jazakallahu anna khairan. Naam. Le fait que Abu Huraira radiallahu anhu, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est de 70 et quelques branches. La plus haute est le fait de dire La ilaha illallah. Donc le fait que ça fait partie de la foi, le fait de d'avoir une parole de la langue. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. La plus basse branche de la foi, c'est le fait d'enlever une nuisance, il y en a quelque chose qui pourrait porter préjudice aux gens, il y en a du chemin, de l'enlever du chemin. Donc ça prouve que les actes font partie de la foi. Et le fait qu'elle fait partie de qu'elle est de 70 et quelques branches, ça prouve que la foi, elle a des niveaux, elle a des degrés. Non. Donc elle a des niveaux, elle a des degrés. Ça, ce sont des points importants relatifs à la foi. Très très important de les comprendre. Non. Ensuite, donc on a vu la partie de la sourate qui est relative à la foi, ça sert d'argument pour la science. D'ailleurs. Ensuite, la mas'ala thaniya, la deuxième mas'ala, al-amal, la mise en application. Wa daliluha, et sa preuve se trouve dans la parole d'Allah, wa amilu salihat, il y en a qui auront œuvré pieusement. Wa dabitul amali salih, huwa ma tawaffara fihi l'ikhlas lillah, wa al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa bana bihadha annahu laysa kulla amalin saliha. C'est-à-dire que la ligne directrice, le critère décisif afin de déterminer ce qu'est une œuvre qui sera considérée comme étant une œuvre pieuse, ce sera l'œuvre en laquelle seront réunies conjointement la sincérité envers Allah, c'est-à-dire le fait de lui vouer un culte exclusif, et la conformité à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il apparaît clairement que toute œuvre qui est accomplie par les gens n'est pas forcément une œuvre pieuse. Taïe. والمسألة الثالثة شاهدها concernant la partie de la sourate qui sert d'argument pour le troisième point, yani le fait d'appeler à cela. وتواصوا بالحق يعني أي يوصي بعضهم بعضا بالحق والحق يعرف من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. طيب. Donc le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité, c'est-à-dire le fait de s'enjoindre mutuellement par la vérité, et la vérité est connue de par le kitab, c'est-à-dire de par le livre. Ce qui est voulu ici, c'est le Coran. La sunna est l'unanimité, le consensus des pieux prédécesseurs, yani parmi les sahaba et les imams des tabi'in. Les tabi'in, ce sont la génération des élèves des sahaba, ceux qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont connu et qui ont vécu, qui ont été des contemporains des sahaba. Et de ceux qui les auront suivis par la suite, c'est-à-dire ceux qui sont venus de par après. Et le cheikh aborde un point important. Il dit « Falaysa al-haq fi afkar al-bashar » Il dit « La vérité, ce n'est pas ce qui émane des esprits des êtres humains. »« Wa manahij al-bashar » Et de ce qui émanerait des méthodologies inventées par les êtres humains. « Li'anna kulla firqa min al-thalath awa sab'ina tadda'i anna amalaha haq » Car les 313 factions, le cheikh ici fait référence à un hadith qui est mentionné juste après, mais je le mentionne dès maintenant également, parce que, afin qu'on comprenne mieux le propos que le cheikh est en train de tenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on appelle hadith al-iftiraq, qui est un hadith hasan. C'est un hadith qui est hasan. Et certains ulama voient qu'il est sahih, comme cheikh al-islam de Taymiyyah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, qala al-jama'ah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma communauté va se diviser en 73 factions. chacune d'entre elles est au feu, à l'exception d'une d'entre elles. Et concernant celle qui est sauvée, donc celle qui échappera à cette menace, les sahaba ont questionné. Man hiya ya Rasulallah, c'est-à-dire quelle est cette faction sauvée, cette faction qui sera préservée du feu. Et le prophète a dit, c'est le groupe. Et ce qui est voulu, c'est-à-dire le groupe, il y en a qui est sur la vérité. Qui est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Donc, Cheikh Obeid al-Jabiri, ce qu'il explique, il dit que donc, je reviens à son propos, il dit que la vérité, ce n'est pas ce qui émane des esprits des êtres humains, ou de ce qui émane et ce qui découle des méthodologies inventées par les êtres humains. Car toutes, chacune des 73 factions prétend que son œuvre est conforme à la vérité. C'est-à-dire que, c'est, que son œuvre est légitime. وَالَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَقِّيَّةِ أَعْمَالِهَا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ. Mais la seule de ces 73 factions qui a eu la preuve qui légitime son action, comme quoi son action est légitime et conforme à la vérité, il n'y en a qu'une. Elle est unique. Et par contre, les 72 autres, فَعَمَلُهَا بَاطِلٌ. Mais quant aux 72 autres factions qui s'affilient à l'islam et qui sont musulmans, incha'Allah, mais déficients dans leur pratique de l'islam, leur œuvre n'est pas conforme à la vérité. وَإِنْ كَانَ يُوْجَدُ عِنْدَهَا شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ. Bien que l'on pourra trouver des choses chez eux, certains aspects qui sont conformes à la vérité. فَمَا مِنْ فِرْقَةٍ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ إِلَّا وَعَمَلُهَا فِيهِ شَيْءٍ. لَكِنَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ عَمَلُهَا كُلُّهُ حَقٍّ. أما بقية الفرق فإنها ضلة مضلة. Donc le cheikh il explique que donc les 72 factions, chacune d'entre elles tu vas trouver, il y en a quelque chose par rapport à leurs œuvres. Cependant la faction الفرقة الناجية, la faction sauvée, et والطائفة المنصورة, le groupe secouru, ce sont ceux dont l'œuvre tout en entier, toute leur pratique est conforme à la vérité. أما بقية الفرق فإنها ضلة مضلة. Mais quant aux autres factions, alors elles sont toutes égarées et égarantes autrui. C'est-à-dire égarées et égarantes. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجماعة. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans le hadith de la division des communautés, dans laquelle il a dit, et ma communauté se divise en 73 groupes, chacun d'entre eux, 73 factions si vous voulez, chacune d'entre elles sera en enfer, yani, à l'exception d'une d'entre elles, et les sahabas ont interrogé concernant celle qui sera sauvée, en demandant laquelle est-elle, et ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est le groupe. Taïb, juste je tiens à apporter une précision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit quoi? Il a dit « وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي » C'est-à-dire que les 73 groupes, ce sont des groupes qui sont encore musulmans. Ce sont des groupes qui sont encore musulmans. Et quand on dit « يَعْنِي كُلُّهَا فِي النَّارِ » Est-ce que ça veut dire que tous les membres qui sont dans un groupe, il est garanti qu'il est au feu? Là. Si sa bid'a, sa déviance, est de l'ordre de la bid'a mufassiqa, c'est-à-dire de la bid'a qui ne sort pas de l'islam, mais qui te fait de toi un musulman déviant, tu es menacé du feu. Tu es menacé du feu. Non. Mais donc, là, ces 73 groupes, ce sont des groupes qui sont toujours considérés comme étant musulmans. Non. Et donc, Cheikh Obeid al-Jabiri dit « هذه الرواية الصحيحة » Ceci était la version, la formulation du hadith qui est authentique. « هذه الجماعة الناجية ومنصورة » Donc ce groupe-là est un groupe qui est sauvé et qui est secouru. Naam. Et quant aux 72 autres, alors elles sont dans la ruine, elles sont dans la perte. Taïb. Et donc cette troisième mas'ala, at-tawasi bil haqq. La troisième mas'ala, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Wal haqq kama qulna ma qama ad-dalil 'alayhi min kitabin wa sunnah aw sunnatin aw ijma'in min salaf al-umma. Donc ça, c'est un point important. Comment tu décernes quelle est la vérité? Ça va être ce qui a été approuvé et corroboré par une preuve venant du livre, c'est-à-dire le Coran, ou la sunna, ou l'ijma' des pieux prédécesseurs de cette communauté. L'ijma', pour le rappel, c'est le consensus. C'est-à-dire que quand les ulémas sont unanimes sur une chose, ça ne peut pas être quelque chose de faux. Ça ne peut pas être quelque chose de faux. Quand les pieux prédécesseurs sont unanimes sur une mas'ala, sur la manière de comprendre un verset, sur la manière de comprendre un hadith, sur la manière d'aborder, de comprendre un sujet, ça ne peut être que la vérité. Non. Ensuite, وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ. Donc, le fait qu'ils s'enjoignent, les gens de la sunna s'enjoignent mutuellement la vérité, l'endurance, excusez-moi. Donc, وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ, et qu'ils se seront enjoints mutuellement la patience. وَهَذِهِ لَفْتَةٌ إِلَىٰ أَنَّ أَهْلَ السُنَّةِ وَأَهْلَ السَّلَفِ لَا يَسْتَعْجِلُونَ. C'est-à-dire que ça, il y a une manière d'attirer l'attention concernant le fait que les gens de la sunna, les adeptes qui suivent les pieux prédécesseurs, sont des gens qui ne s'empressent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas empressés. Ils ne font pas les choses n'importe comment. وَلَا يَأْخُذُهُمَ الطَّيْشُ وَلَا شَطَطَ. Ce ne sont pas des gens qui agissent de manière irréfléchie, de façon transgressive. يُصِبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ. Ils s'enjoignent mutuellement, les uns les autres, ils s'enjoignent mutuellement le fait de patienter. وَيَنَالُهُمْ مَا يَنَالُهُمْ مِنَ الْأَذَى. وَمَعَ هَذَا يَصْبِرُونَ وَيُصَابِرُونَ وَيَتَوَاصَوْنَ بِالصَّبْرِ. Ça, c'est un point important également. C'est-à-dire que les gens de la sunna, ils sont amenés à subir des exactions de la part des autres. Donc, les atteint ce qui les atteint, parmi les nuisances et les maux qui les atteint, mais ce sont des gens qui vont patienter. Qui vont endurer et qui vont s'enjoindre mutuellement le fait de patienter et d'endurer dans cette chose-là. Parce que justement, et le cheikh, il explique « وَصَبْرُ لُغَةً الْحَبْسُ وَالْمَنْعَ. Ça, c'est la définition linguistique de la patience, d'as-sabr. الْحَبْسُ, le fait de se contenir, de contenir quelque chose, de retenir quelque chose. وَالْمَنْعَ, de retenir quelque chose ou d'empêcher quelque chose. وَاِسْتِلَاحًا, et là, il donne un exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la tarif bin mithal. C'est-à-dire qu'il va donner un exemple pour définir la patience. Ça ne veut pas dire que l'exemple qui est donné, c'est ça, la patience, et tout ce qui est autre ne serait pas une manifestation de la patience. Là, c'est juste une clarification de qu'est-ce que c'est la patience par la mention d'un exemple. Il dit وَحَبْسُ اللِّسَانَ عَنِ التَّشَكِّي وَالتَّسَخُّطِ وَالنَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ وَالْجَوَارِحِ عَنِ اللَّطْمِ الْخُدُودِ وَالشَّقِّ الْجُيُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالْمُنَافِيَةِ لِلصَّبْرِ. Donc là, il donne l'exemple par rapport à ceux qui manquent de patience, justement face au décès d'un individu qui leur est cher, par exemple, lors de la perte d'un être cher. Il dit donc, istilahan, dans le contexte de la patience, d'un point de vue religieux, ça va être le fait de retenir sa langue de la complainte, c'est-à-dire de se lamenter ouvertement. Car des fois, certaines personnes, lorsqu'ils perdent un être cher, un enfant, une femme, un être aimé, ils disent des propos qui sont inappropriés, ils se lamentent de façon outrancière. Ceci n'est pas approprié. Être triste n'est pas interdit. Être amené à pleurer, avoir les yeux qui larmoient, ceci n'est pas interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré lors de l'enterrement de son fils Ibrahim. Naam rahimahullah. Wa radiyallahu anhu. Et donc justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été vu en train de faire cela, c'est-à-dire en train de pleurer, de larmoyer alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il pleurait alors qu'il tenait son fils Ibrahim qui était décédé, les sahabas ont été étonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'il pleurait par miséricorde vis-à-vis de lui. Donc le fait d'être triste, d'être peiné, d'être amené à pleurer, ceci n'est pas interdit. Mais le fait d'avoir des propos inappropriés, des fois certaines personnes disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Ce genre de paroles. Ce sont des paroles dans lesquelles il y a de la lamentation, il y a du rejet du destin. Et à une forme de manifestation du courroux que la personne a vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ce qu'il a prédestiné pour lui et qu'il a décrété pour lui. Et justement donc, yani وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ التَّشَكِّي, c'est-à-dire le fait de retenir sa langue, de se laisser aller à la lamentation, de s'étaler dans la complainte. وَالتَّسَخُّطِ, et du fait de se courroucer. Car certaines personnes, elles perdent leurs moyens lorsqu'ils perdent un être cher, ils se commencent à se courroucer, ils se mettent en colère et ils commencent à dire des choses inappropriées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, et parmi les choses également qu'il a décrites, Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, le fait, il y en a de ceux qui se griffent ou qui se frappent les joues, ou bien qui déchirent leurs poches, les poches de leurs vêtements, c'est-à-dire qu'ils déchirent leurs vêtements. Certaines personnes même s'arrachent les cheveux. Et ça, ce sont, et autre que cela, parmi les choses qui sont des choses hideuses, il y en a lorsqu'elles émanent de la personne musulmane, et qui sont des choses qui contreviennent à la patience. Car la personne, lorsqu'elle est éprouvée, que ce soit dans sa personne ou dans ses êtres chers, ou dans ses biens, ou dans sa santé, il doit faire preuve de patience et espérer la récompense d'Allah. Et ceci est un khair pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, comme étonnante l'affaire du croyant, tout est pour lui un bien. S'il lui arrive une réjouissance, il en est alors reconnaissant et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une nuisance, alors il patiente et ceci est un bien pour lui et ceci n'est que pour le croyant. Tayyip. Ensuite, justement, à sobre dans la religion, ça va impliquer de patienter sur quoi? Vis-à-vis de quoi? À propos de quoi? Les ulama ont fait ce qu'on appelle un taqsim. Et les taqsimètes, je vous avais indiqué qu'il fallait les noter. Donc j'insiste pour que vous notiez ces trois points. Donc je vais vous les mentionner toutes les trois. Et Inch'Allah, après, je vais vous traduire le tafsir de Cheikh Obeid. Donc, as-sabr ala ta'atillah. La patience, dans sa première catégorie, c'est le fait de patienter sur le fait de rester constant sur l'obéissance envers Allah. Tayyib. La deuxième, c'est as-sabr ala ma'asiyatillah. Le fait de patienter face à la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire le fait de patienter et d'endurer concernant le fait de s'abstenir constamment de désobéir à Allah. Troisièmement, al-thalith, al-sabr ala aqdarillah. C'est-à-dire le fait de patienter sur les différentes choses qu'Allah a prédestinées. C'est-à-dire des choses qui nous arrivent, comme la mort ou la maladie, etc. Ce genre de choses qui peuvent nous atteindre, nous ou les gens que nous aimons, qui sont des choses qu'Allah nous a prédestinées, qui sont difficiles à supporter, mais sur lesquelles, ou vis-à-vis desquelles, on doit faire preuve de patience. Donc ça, ce sont les trois types de patience. La patience quant à l'obéissance d'Allah, quant au fait de rester endurant sur l'obéissance d'Allah. La patience face à la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire le fait de rester constamment loin et écarté de la désobéissance d'Allah, et le fait de patienter face à la prédestinée d'Allah, c'est-à-dire les choses qu'Allah a prédestinées qui sont amères, dans le sens où c'est difficile à vivre. Non. Donc ça, c'était le résumé des trois points. Maintenant, le tafsil. Donc, wa huwa 'inda ahli shara thalathatu aqsam. Donc la patience est de trois catégories auprès des gens spécialistes de la législation. Al-awwal, donc la première de ces catégories, sabrun ala ta'atillah hatta yu'addiha kamila aw qariba min al-kamal. Donc la première, donc c'est le fait de patienter quant au fait d'être obéissant et de s'acquitter de l'obéissance vis-à-vis d'Allah jusqu'à s'en acquitter de manière parfaite, d'une manière qui est parfaite ou proche de la perfection. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. En vertu de la parole d'Allah, dans surat At-Taghabun, le verset 16, dont le sens en français est le suivant, et craignez Allah du mieux que vous le pouvez, c'est-à-dire selon vos capacités. Et ça, barakallahu fikum, c'est un point important. Parce que justement, c'est le fait que dans l'islam, quand Allah ou son messager donne un ordre, ce qui est requis, c'est de le faire selon notre capacité. لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Non. Et comme Cheikh Saadi rahimahullah l'avait mentionné dans sa poésie Manzumatul Qaid Fiqhiyya, wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a ittirari. Et ça, on l'expliquera inchallah à une autre occasion, bi idnillah azza wa jalla. Comprendra celui qui aura compris inchallah. Donc yajibu an yu'addi at-ta'a kamila wa idha 'ajaza saddada wa qarab. Donc la personne se doit d'accomplir et de s'acquitter et de se conformer à l'ordre et donc se doit de s'acquitter de l'obligation, de l'acte d'obéissance, d'une manière parfaite. Et s'il en est incapable, alors il fait du mieux qu'il peut. C'est-à-dire qu'il fait du mieux qu'il peut pour s'en acquitter de la meilleure des manières possibles. La deuxième catégorie de patience, sabrun an ma'siyatillah hatta yajtanibaha. Donc le fait de patienter, d'être endurant face à la désobéissance d'Allah jusqu'à s'en écarter, c'est-à-dire réussir à s'en écarter de façon totale. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans Thalathat al-Usul, avait donné une belle parole concernant la sagesse. Il avait dit que la sagesse était nécessaire dans la religion tout en entier. Et que celui qui manque de sagesse, soit il va délaisser une obligation, soit il va tomber dans un interdit. Taïb, la troisième et dernière catégorie, al-thalith, al-sabru ala aqdarillah. Donc le fait de patienter face aux choses qu'Allah a prédestinées à Azza wa Jal. Ensuite, concernant la place qu'occupe la patience vis-à-vis de la religion ou par rapport à la foi. Cheikh Obeid al-Jabali dit wa sabru min al-iman bi manzilati ar-ras min al-jasad. Quelle belle métaphore pour imaginer cela. Il dit la patience par rapport à la foi, yani sa station, son statut par rapport à la foi est similaire au statut qu'a la tête par rapport au corps, c'est-à-dire que c'est vital. Wa qad dhakarahu Allah ta'azza wa jalla akthar min 80 marra fi al-Qur'an. Et Allah a donc a mentionné le fait d'endurer, le fait d'avoir de l'endurance. Il l'a mentionné et il a fait allusion à l'endurance près de plus de 80 fois dans le Coran. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء والمصلحين وجدت أنهم أصبر الناس على تبليغ الدين وتعليمه العباد على الوجه الصحيح. Et donc si tu venais à méditer quant à la situation des prophètes et de ceux qui sont des réformateurs, c'est-à-dire des gens qui souhaitent amener la réforme au sein de la communauté dans laquelle ils appellent à la vérité. وَجَدْتَ أَنَّهُمْ يعني tu verrais que ces gens-là sont les gens les plus patients, les plus endurants quant au fait, quant à la transmission de la religion et le fait d'enseigner aux serviteurs de la manière qui s'y est et qui est conforme. Non, je vois qu'il est 20h46, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah ta'ala, on poursuivra dans le livre de Cheikh Ubayd al-Jabri, bi'idhnillahi azawajal, à une autre occasion, Inch'Allah ta'ala. Et si vous avez des questions concernant ce qui a été mentionné aujourd'hui dans le cours, n'hésitez pas à me solliciter. Barakallahu fikum. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت